depuis E égale MC2. L'énergie nucléaire rétablit son empire sur la terre. Dans la main de quelques visionnaires, l'extermination de toutes ces forêts, grands espaces verts. Purchase your tracks today. Monte le volume dans le cadre. Et à fond les ballons, voilà. Ça va donner, ça va donner de l'air pour les bébés. Ça va donner, de l'air. Purchase your tracks today. Ça va, On vit dans un monde de fous. À tout, c'est le retour du Babtou. Qu'est-ce qu'on s'en fout des sous quand on peut troquer avec amitié et respect. J'allove beaucoup. En reste en je n'ai pas besoin de texte. La musique se fait à plusieurs et sans texte. Quand tu as des choses à dire, il faut les dire sans souci. Tu as une tonne d'amis qui peuvent t'aider jusqu'au paradis. À toi d'aller chercher la foi dans ton cœur. À toi de faire briller les enfants que tu as portés quand ils étaient petits. À toi de les faire envie d'avancer. Que du freestyle, Ça fait, On se réveille ce soir en coupé décalé, mon bébé. Tu ne sais pas ce que je peux te la faire à volonté, car touche à la filet. Tu ne peux pas suivre, c'est du bouillon gabonais. Pour amour, elles m'ont planté. Des escort girls, j'en ai connu. Je les faisais travailler. Je suis un rastaman condamné. Je suis devenu ragamuffin, style Will Dem. J'ai parfois l'impression d'avaler la maladie, d'avaler les problèmes, laver tout un système. Quand je passe au micro, j'ai les gros. Je pars toujours en impro, tellement je suis chaud. Donne-moi une feuille et un kilo pour écrire des chansons plus. On rêve, on rêve d'un ciel un peu plus bleu, que le soleil repeigne les cieux. On rêve d'un ciel un peu plus bleu, et surtout qu'ensemble demain tout ira mieux. Main dans la main sans que personne ne nous gêne, parce qu'on aimait trop les problèmes. Mais qui donc a mangé la pomme? Adam et Ève. Et nous on a suivi derrière le système. Que de la musique, On repart sur le même rythme. Un autre gars de chanter maintenant. Y'a personne qui veut chanter. Alors on repart sur le même rythme parce que ce soir on est en pull-up. Et on va chanter autre chose. On va chanter un peu des textes écrits par des filles d'ailleurs. Alors ça donne, quoi. Hey. La vie est incertain. De peu que tu es là, et moi je suis là aussi. J'en pleure la nuit, parce que j'ai tous les démons de ma vie qui mentent. Alors je chante pour toi, ma lova. On tourne la page, Hey, tu as souvent cru que j'avais pas le niveau, et moi que tu n'avais plus envie. Quand la vie te met face à la réalité, et quand le respect nous brise en morceaux. J'ai souvent essayé de faire des propres idées, mais la réalité nous a toujours rattrapés. Je me demande encore si ça sert à rien d'insister. Mais comme l'amour donne des ailes, mais comme l'amour donne des ailes, jamais je n'ai abandonné. Pendant le temps, j'y crois encore à l'infini. Parce que je dormais, le monde n'est qu'une partie. Aujourd'hui, je prends le micro pour reconstruire la façon de ma vie. Hey, hey, hey, choisis bien ton âme, sœur, mon petit. Hey, hey, hey, hey, choisis bien ton âme, sœur, ma petite. Parce que plus tu respecteras la femme dans ton cœur, ta maman, ton amour, ton âme sœur, évidemment. À toi de reconnaître ce qui t'aime par amitié, ce qui t'aime pour intérêt parce que tu es, ce qui t'aime par intérim. Hey, à tous les jaloux, à tous les jaloux, à tous les jaloux. Hey, je suis un bijou, je pourrais tromper ta femme, mais je ne veux pas ça. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Je suis un homme de valeur, respectez vos frères et sœurs. Pour tous les mangeurs, pour tous les mangeurs. On respecte la femme, again, again. Et la femme, et la femme, et la femme, et la femme, et la femme, et la femme, et la femme, et la femme. La femme qu'elle aime. La femme, la femme, la femme. La femme fait mal au cœur quand elle n'a plus sa même odeur. Purchase your tracks today. La femme, la femme. Danse. Pull up. Pull up. Yeah. T'es pas dedans là. L'artiste, il est pas dedans là. Yeah. Purchase your tracks today. Yeah, c'est l'heure du gong. C'est l'heure du gong. Et moi, je suis plus fort de King Kong jusqu'à Hong Kong. J'ai avalé le monde. Hey! Je suis Makaya, bouillon breton gabonais. J'ai déjà étranglé des pédophiles. Tu me reconnais, j'ai mon dossier. Je suis ancien psychiatrique, j'en ai marre d'être à l'asile. Je suis bloqué dans un monde de fous avec bien trop de jaloux. Hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Est-ce un problème d'aimer trop la femme? Est-ce un problème? Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Personnellement, je crois que cette nouvelle loi ne devrait pas être autorisée. Vous la connaissez, les Rastaman sont contre l'homosexualité. Je n'ai pas le temps pour ça, je suis Makaya, bouillon gabonais. Yeah, yeah, yeah. J'arrête pas de le répéter. Sur YouTube, tu tapes Makaya, baiser d'âge, un jour ça sortira peut-être. Moi je ne prends pas la tête. La musique c'est juste fait pour s'amuser, ouais. Entre amis c'est mieux. Quand je suis défoncé, je suis sûr que je chante encore mieux. Je pourrais chanter autre chose, mais là ça me saoule. Underground, le monde. Ça me saoule le monde. Je suis prêt à prendre le revolver. Si tu viens me chercher, je toucherai un tas de billets. Billets violets, billets de couleur. On me l'a dit de l'autre côté. On fout un tas de choses dans tes billets. De l'or, du diamant. Évidemment, c'est pour ça que le billet de 50 balles a la couleur orange. Dans la naranja. Viva España, viva Portugal, viva la Francia, viva l'Europa, viva le mondial. Et hola guapa, esta macaya bizetache. Pas le temps pour les soucis, je suis au Redma. Ce soir, je suis tout mou. Bébé, si on allait faire les fous. Hey, hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pour moi, la fin de journée, c'est quand tu l'as mérité. Ça fait le coupé décalé. C'est la danse des magiciens. C'est la danse des sorciers. Ça va, ça va. La vie c'est compliqué. À solution y a problème. À solution y a problème. Hey, je t'en place. C'est moi, Serge Ramos. JSM de Bondy. Serge Ramos. JSM de Bondy. Serge Ramos, JSM de Bondy. Voilà, ça va. On commence à gérer les instruments là. Donc, il faudrait même danser, chanter. Alors, il faut faire la musique de tous les cœurs. Bébé, bébé, si tu veux le chéri coco, tu veux le Chanel et que tu veux pas finir en métro, mets le gasoil dans le moteur, mets le gasoil dans mon cœur, mets le gasoil dans le moteur. Mets le gasoil dans mon cœur, hey, hey, ça fait, ça fait, ça fait. Coupé, coupé, gauche, droite, gauche, droite. Coupé, coupé, coupé, décalé. Coupé, décalé, coupé, breton, décalé. Hey, partout, ça c'est jamais vu. On a ramené l'âme de l'autre côté. C'est comme ça qu'on t'a colonisé. Colonisé, hey. La musique, coupé, décalé, c'est fou. Avant pas du jour. Zou, zou, zou, zou. Là c'est du zoulou décalé. J'pourrais te dire au pavillon, tu es meilleur depuis que cousin est parti. Gabon style, brrr, my god, again. Hey, il paraît que j'avais des sélectionneurs dans ma tête. Une carrière de football j'aurais déjà eu. Il paraît, parce que je suis cassé à cause d'une meuf qui m'a fait sauter. Dans la vie, arranger les problèmes c'est la solution. Oui, hey, hey. Et puis, si tu l'aimes plus, faut la quitter. C'est mieux la libérer. Ça, c'est ma volonté. Mais c'est pas la volonté des seigneurs quand tu es marié. Ah tiens, il faut trouver la solution à chaque problème. Dans la vie, c'est tout un système. Y'a le zouzou, y'a magic système. Tous les braisés, tu vas manger manioc, banane à volonté. C'est moi qui vais payer l'addition, toi t'auras plus qu'à payer le fraisier. Tu la connais, c'est Macaya, bouillon français, gabonais. Petit castel, Jacques des Offrets. Petit castel, Jacques des Offrets. Regarde pour le quoi, le gabonais boit. Hey, même un petit match, le Gabon ne gagne pas. Même un petit match, le Gabon ne gagne pas. Ne tu sais pas que de l'autre côté, y a la guerre en Afrique. Et que les Africains en ont marre de toi. Zouglou, zouglou, décalé. Bombasidia, bomboclat, bonbon, si t'as bonbon, claque. On n'est pas les gemelles, on n'est pas les gemelles. On n'est pas les malicoles, on n'est pas les malicoles. Je sèche mes mancoles, je sèche mes mancoles. Je sèche mes mancoles, je sèche mes mancoles. À l'école, je suis allé, j'ai passé quelques diplômes. Sur le chantier, je me suis retrouvé. Hey, coupé, décalé. Du matin, je te prends sur le côté. Position de matin, 4 heures sur le côté. Quand j'ai fini avec toi, tu passes en brouette. Position de la brouette. Hey, hey, petit Denis, petit Denis. Makaya bouillon gabonais, petit castello, chouret, gabo frais. Toujours alcoolisé, toujours alcoolisé. Faire la fête sans les refaits, c'est bien t'amusant, mais en fait. Hey. Y'en a qui ont mal aux pieds, faut les soigner. Je m'appelle Alexandre, je suis cofondateur d'Engard, une marque de chaussures engagée et circulaire. C'est une marque qu'on a lancée. Bravo, super. C'est qui alors? Est-ce qu'on peut savoir vos noms là? Ton nom de scène c'est quoi? Makaya Bezedash. Makaya Bezedash, c'est vous? Makaya Bezedash à la voix et à l'impro. Et Nadine. Et à la percu. Voilà, Radio Metanoia. C'est l'été. Il faisait beau, mais c'est nuageux, mais c'est pas grave. C'est la chaleur dans notre cœur, c'est le soleil dans notre vie. Ok, ma chérie, il ne faut pas qu'on traîne. Y'a pas de retour. S'il vous plaît, un peu de retour, un peu de retour dans le casque. Un. Comment ça se fait pour ça, le live c'était pas 18h. Du zouglou, donc on peut pas chanter de zouglou. L'instrument doit zouglouter dans ma tête. Là, ça faisait casse-tête. Oui. On est dans un petit programme. Il y a un nouveau bienvenue là, Vincent. Tu veux dire quelque chose? Ouais, c'est Vincent Black. Ouais. Bon, là, en fait, j'ai parlé de mon album qui va sortir bientôt là. Ça se passe bien. Donc voilà quoi. Tu sélectionnes la piste de vidéo. Un album de quoi, frérot? De rap. De rap, ok. Est-ce que tu peux nous faire une petite improvisation? Ouais, j'improvise. Mets un son, j'improvise. J'improvise après, à 5h. Non, tu peux amener, après tu peux le faire. Hein. C'est quoi le nom de l'instru? Est-ce que tu me permets d'improviser avec toi? Vas-y, ok. C'est quoi le nom de l'instru? Vas-y. Vincent, c'est quoi le nom de l'instru? Oh, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas rappé aussi, j'ai du mal. Bon, je vais faire une autre chanson, je vais faire une autre chanson. Ouais, le nom de l'album, c'est Prenez Garde, le premier album, c'est le nom de l'album. Vincent Black, Prenez Garde. Prenez Garde, enchanté, Vincent Black. T'es sur YouTube ou pas? Je suis sur YouTube, ouais. Bah, on peut te retrouver, tu chantes sur... Ouais, mais j'ai pas fait 1000 vues encore. Si, on peut te retrouver. Ah, ok. C'est quoi ton nom? Vincent Black. Vincent Black. Je peux, hein? Ouais, vas-y, je t'en prie. Vincent Black, je te trouve pas. Vincent Black? Ouais. C'est quoi le nom? Je vais vous dire, monsieur Serra. Vincent Black, comment? Pour les gars, pour les gars. C'est ici la radio. Bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Ouais. Ça va, c'est bien? Merci. Bonjour docteur, ça va. Monsieur. Julien, ça va. Oui, monsieur. Il y a une voiture encore, j'en ai fait d'autres. Il a vendu 100 euros, il a gagné, il a vécu 10 jours. J'ai gagné 100 euros en 10 jours. Il a vécu 10 jours. J'ai vécu 10 jours. Non, 9. J'ai gagné 100 euros, j'ai gagné 100 euros. C'est riche là. Non, pas encore. C'est la partie de combien qu'on est riche. En fait, ça dépend si cette peinture là, je la vends 1000 euros, et ben là ça fait bien quoi. Vous avez une candidate, hein, c'est une collectionneuse. Ouais, ça fait beaucoup ça. Oui, vraiment. Vous en voulez une à 10 euros? Non, moi je préfère les faire. D'accord, mais c'est quoi le principe? Allez, monsieur Serra, je vais vous dire sucre. Allez, c'est comment, on met l'instru? Lorsque je fais de la publicité sur YouTube, je sais que ma vidéo doit être la plus claire et fine. Mais s'il n'y a pas d'instru, au pire fais-le a cappella. Hein? Fais-le a cappella sans instru. Non, je mets l'instru, je mets l'instru. Mais c'est quoi le nom de l'instru? C'est quoi le nom de l'instru, Vincent? On chante à demi l'instru. Vas-y, mets l'instru. Attends, je fume une clope. Tu fumes une clope d'abord? Bah, on met ma musique d'abord et après vous. Voilà, mets ta musique comme ça. Mais tu l'annonces un peu parce qu'il y a quand même des gens qui écoutent. Hein. Ouais. Bon bah écoutez, bonjour à tous, je m'appelle Julien Carrado, vous pouvez me retrouver sur Deezer, Spotify et tout ça, et je vais vous faire écouter la dernière chanson que j'ai enregistrée. À la base, je voulais une villa. J'ai trop d'idées, t'es pas mais j'ai trop d'air. Trop de galères dans le teuteux, avec les rayons fous le feu. Trop de galères, des fois solitaires, la maladie héréditaire. J'ai la misère comme une vipère, y'a les stars qui montent dans le viseur. Touche à nos sœurs, on tombe en l'air. Touche à nos frères, on couche par terre. Trop de pression, trop de missions, trop de missions, trop d'émissions. D'histoires qui ont fait le tour de la terre. T'as dit quoi, il va agir sur terre. On est fait à l'enfer sous terre. T'en fais quoi de toutes les guerres? Sur la planète Terre, y'a la misère. Trop de gens qui ont serré. Je veux plus voir nos mères pleurer. J'essaie de voir un futur à tes côtés. Je t'avoue j'en ai marre de t'écouter. Je veux détruire et tout reconstruire. Mais sans toi et ta toxicité. Ne m'en veux pas si tu me vois fuir. C'est juste pour me mettre en sécurité. Je n'en peux plus de cette villa. Moi à la base je voulais une villa. À la base moi je voulais une villa. Mais toi de ce côté, que je te mette la fessée. Un autre. Je te recherchais maintenant, tu viens me supplier pour qu'on se remette ensemble. Mets-toi à genoux, mais ce n'est pas pour prier. Tu m'as tellement sucé que ta bouche en a 30. Attends que je te mette en sang. Ton pare-choc sera abîmé. T'inquiète, t'auras qu'à sortir les gants. Je n'en peux plus de cette villa. À la base, moi, je voulais une villa. Mais pas de ce côté que je te mette la fessée. Mais pas de ce côté. Voilà, à la base, je voulais une villa. Vous avez juste à taper Julien Carrado et vous la trouverez. Donc Carrado, C-A-R-A-D-O-T. Et Julien, bah, J-U-L-U-N. Voilà. À la base, je voulais une villa. Comme tout le monde, un peu. Hein. Tout le monde voulait une villa à la base. Pas moi. Personnellement, je voulais acheter une île. Ah, il voulait acheter une île carrément. Eh ouais. Et ouais. Non. Ok. On a le pédalo, fais le pédalo. Fais le pédalo, fais le pédalo. J'ai la BM double snack, BM double snack. J'ai le cache-caille, crevé de l'autre côté. Trop d'accidents, mon bébé. J'ai arrivé à contrôler mon volant. Hey. Pour une fois, je m'appelle plus Michael Schumacher. Et attention si tu veux pas faire d'accident. Dans la vie, faut choisir son côté. Peggy, Leila. En famille devant téléfoot. En famille devant téléfoot, téléfoot. Téléfoot, téléfoot, téléfoot. On sait que les gens affassent par le foot. Yeah. Politicien, politicien, politicien. Bande de magiciens, bande de chiens, bande de chiens, bande de chiens. Politicien, politicien, bande de magiciens, politicien, bande de chiens. Menteur, menteur. Quand il voit passer à la télé, vous me faites vraiment rigoler. Politicien, bande de panthère, bande de panthère. Gauche, droite, gauche, droite. Décalé, réglementé. Chéri Coco, si tu veux voyager de l'autre côté, n'oublie pas de lui ramener le Dolce, le Dolce. Hey, pour te réveiller, un bon bouillon pimenté. Après une soirée trop bien alcoolisée, une course en pick-up qui a plutôt fini mal. Contrôlé dans le poteau, je suis tombé. Aïe. Ça fait zougoulou, zougoulou dance. Zougoulou, zougoulou dance. On apprend aux enfants à bien conduire. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la licence, le permis. C'est la licence, le permis. C'est la licence, le permis. Alcoolisé, ça ne fonctionne pas. Dans le virage, sur le côté. Tu peux même t'endormir au volant. Si tu prends pour un show, bien sûr le pilotage. Et tu peux finir comme Michael Schumacher. Dans la Formule 1 ou au ski. Casser la jambe, tu fais le malin. La maladie c'est pour tout le monde. La maladie ça tombe. Moi j'aimerais que les anges ressortent de leur tombe. Y'en a qui me font briller. Avec Dieu je suis connecté. Qui ne sait pas, il me fait choisir le bon chemin. Des fois je fais le malin, je prends l'autre côté. J'ai contesté, j'ai contesté. Puisque esclave moderne. Il paraît que je suis tombé. Esclave de ma propre chienne de vie. Mais j'ai plutôt été attaché à contre-sort. À contre-sort. Philosophe, philosophe, j'en avais perdu ma lumière. J'avais même envie de m'envoler. Pourquoi? Ouais. Mais c'est du zouglou. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Radio Métanoïa. Enfin, en train de live. Zouglou, c'est pas du zouglou. Le zouglou n'est pas personnel. Tu veux faire quelque chose après? Et voilà. Ouais, ouais, ouais. 9-3. DB au mic, fist, yes. L'égalité, c'était ce gouvernement, mais qu'est-ce qu'on peut y faire à part se refaire et marcher à tout droit dans un monde parallèle? C'est pas à l'aile. J'ai les droits, mais je sais pas, droit au mic, au fils. Au final, je finalise toujours mes problèmes, frais brille. Et je fais briller le chromie. En ascension. Ouais, ouais, yes, I. Et je suis cool dans d'autres bleds, à ce qui paraît. C'est VBO, my fils. Batalia, BZH, hey, hey. Tu commences l'ancien. Ok, l'ancien. Ouais, ouais, ouais, ouais. Accro à Mac, accro de technique. Accro de Mac, accro de technique. Accro de Mac, accro de technique. J'ai pris une chromie. Attends, il faut lui mettre l'instru seulement là. Il faut lui mettre l'instru seulement parce que là on chante le Shaggy officiel. On lui fait un peu de respect à la musique. Dans cette radio, on fait un peu trop de tête. On essaye de révolutionner, c'est compliqué, ils ont besoin d'un directeur. Mais moi, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Donc, on va faire un peu de reggae, parce qu'il y a du reggae dans son cœur. Et on va aller chercher la positive vibration. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Prouba. Makaya. Ouais, ouais, ouais. L'Occident serait en train de céder, avoir le tiers-monde dans cet état. La monnaie est dévalorisée comme un homme qui perd son bras. À coups de couteau à l'arrière par un soldat à bout de bras. Je tiens le mur de cette cité sans flouze. Comment comprendre ça quand t'as toujours tout eu? Les incompréhensions culturelles nous ont eu. Y'en a qui ont tout et y'en a qui ont rien. Et y'en a qui perdent tout pour rien. La chute est plus grande encore. Les riches roulent en 4x4, putain, qu'à chaîne de vie hardcore. Comme si c'est sur le caniveau. Je préfère rester sans cash et prendre sainement. Sans avoir investi des glaces. Les glaces s'effondrent comme le cœur des femmes pour moi. Et short cette protection. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, bonhomme. Parce que normalement le reggae faut le respecter. Quand t'es plus dans la basse faut le quitter. Ok, ça fait, ça fait. Tu me reconnais, c'est Makaya, bouillon gabonais, petit castello sous. Régabo frais, régabo frais. C'est que de la musique, que de la musique. Brouba. J'aime la ganjane, j'aime la fumée, la marijuana. Elle m'endort parfois. Toi, tu ne sais pas sur mon canapé. Je peux la fumer ou bien la caresser. Yeah, yeah. Normalement, on aurait déjà dû passer le micro. Tu vois, non? Ok. Les gars détestent ce gouvernement et ces MFNC d'orchestrer notre déclin. Jusqu'au pays lointain, le mal ne cesse de triompher. Les idées reçues blessent, les roulements filent l'eau, la terre, les mers, ils jouent sur leur passage. Quand l'Amazonie se lève, quand l'Amazonie se lève, parmi les enfants meurent en bas âge. Ça gêne certains, son endroit en bat les reins, sachant rien, leur train quotidien. Leur agitation s'agace, mais que peux-tu faire? Si l'on réussit à quitter cette terre, faire tout de folie. Un groupe pélage qui prend ma vie, ce sera l'extase, la portée aux enfants, je crois. En tout cas, ce sera autre chose, mais faut quitter 9-3 car ici c'est what. Et ça craint. Les petits en boule avec cran, les grandis, les partent en tout, ça part. Ça rapporte pas, ils ont pas tous été écrans, j'ai caïman. Cela part longtemps, mais les lits pèlent à juste pour qu'elle soit clément. À son égard, vu l'extérieur, ça renverse, blesse, la chance à la guerre. Et personne comme ça, deux en deux comme ça, perd son temps, marche dans un couloir aillé. Pendant que les rouges jouent en 4-4, en 2-4-6, on se dit parfois qu'on pourra les rejoindre et construire ensemble un monde meilleur. Comme les politiciens pour être élus. D'ailleurs, plus personne n'y croit, plus d'élus. Les événements l'illustrent, parlent plus l'essentiel et beaucoup passent à côté de la okay, vie. Ok, ok, ok, position présidentielle pour la politique, je suis d'accord et pour la trique. Je raconte la musique, je raconte le système. Le reggae c'est tout un problème. Faut suivre la basse en jet. Bourba, bourba, bourba, bourba. Ça fait, tu me reconnais, c'est Makaya. Bouillon gabonais, petit castello chaud, régabon frais. Tu sais pas, y'a la boîte, y'a le système. On est à Babylone, système. La vie n'est qu'un problème. Il faut trouver la solution, la manifestation. On en a marre des mauvaises vibrations. Que de la musique, que de la musique, que de la musique, que de la musique. On va passer sur son instru. On va mettre un peu une instru qui Booba. On va aller rapper un peu. On va aller rapper un peu, c'est le reggae. Moi j'essaie de préparer, c'est un peu compliqué. Ouais, bravo. Reggae, métanoïaque. Et ça, et rappelle-nous c'est quoi ton blaze. Vincent Black. Vincent Black. Macaya Bézeta, je vous salue déjà. Commencez à vendre en ligne avec Shopify, la plateforme e-commerce choisie par des... Ouais, Vincent Black, l'homme de l'ombre. Yeah. On a un invité d'honneur. Appelle-nous ton blaze. Chia Carado. Moi j'ai un truc si vous voulez. Vas-y. Intense. Moi obscur, après j'ai trop mal à la gorge en fait. Donc si on pouvait éviter l'obscur là aujourd'hui. Parce que j'ai pas de freestyle aujourd'hui dans l'obscur. C'est une belle journée qui vient de commencer avec l'ami Ricoré, un peu de chantilly. Et puis j'en connais un dans la jungle qui a dit Balou, il en faut peu pour être heureux. Yes, I. C'était une dédicace, Makaya Bouillon Gabonais. Parce qu'à Makaya, c'est pas un clochard, c'est un homme qui est au trottoir, mais qui n'a pas faim et qui vous regarde sans fin avec un rire malsain. Yes, I. Pull up. Hey. Une histoire à dormir debout, une histoire à te rendre fou. Dans ma tête c'est comme dans un puits, et dans mes textes je tourne en rond comme une roue. Encore une chanson, je sais que t'en veux plus. Entendre ma voix est devenu un poison auditif, et même toi tu sais que tu n'en peux plus. Chanter pour deux trois personnes, telle est ma destinée. C'est vrai, je vous ai jamais demandé vos avis, mais je sais que je suis nul à chier. Rien qu'à voir les stats, j'ai envie de me suicider. Je me ferai jamais à l'idée que je serai jamais un putain de parolier. Attends, écoute, écoute. Où cela m'a mené, plus d'un an à écrire des chansons juste entendues par moi. Et je sais que je dépasse rarement les 3 auditeurs par mois. L'idée d'abandonner, j'y ai déjà pensé, mais je sais que ça vous ferait plaisir, alors je continue à écrire. Yeah, yeah. La musique, comme toujours, pour soigner même tes amours. Quand tu la baises, tu mets la musique, non? Moi des fois je le fais à la naturelle. Une histoire à dormir debout, une histoire à te rendre fou. Dans ma tête c'est comme dans un puits, et dans mes textes je tourne en rond comme une roue. Encore une chanson, je sais que t'en veux plus. Ton voix est devenue un poison auditif. Hey. Chez moi, mais de monde minuit, à travers un verre de sky, ou bien je rencontre une fille bien. Ou pas. Dealer. Macaya, aime trop les femmes. C'est abusé. Comment elles arrêtent pas de me regarder. Dans le métro, y'en a qui m'ont déjà violé. Oh, mais les filles sont malsaines. Quel est donc le problème? L'homme ou la femme? Tout un système. Et Mars et Vénus. Je n'y crois pas, je préfère la lune et le soleil. Bang, et bang. Moi, je serais son soleil, évidemment. Et elle, elle serait mon coucher de soleil. Oui, oui, oui, oui, oui, Radio Métanoïa. Bravo, bravo. Eh oui, on est à la radio là. Ça passe même pas pour de vrai à la radio. Ben oui, on est radio. Mais ferme parce qu'il fait trop, ça fait trop de bruit. Voilà, voilà. Et puis là, on est, on a écouté Vincent Black et ton nom, j'ai oublié. Macaya Besegach. Besegach, Besegach. Besegach. Et Julien Carrado, tous les trois en freestyle, en train de plus. Ton prénom? Nadine. Nadine à la percussion. Et puis on a un nouveau arrivé qui s'appelle comment? Comment t'appelles? On peut pas là, ça marche pas. On peut pas passer la musique. Non, parce qu'on manque un câble. Il manque un double. Si, mais ça peut, on peut pas envoyer des. Parce qu'il y a un câble qui manque. Il y a un câble qui manque pour prendre les choses. Mais on peut passer par le. Get money! Manque un câble, on aura la semaine prochaine. Et dans 4 minutes, on est en direct sur FM, sur les 100 FM de DAB, Paris et à Mulhouse. Yeah. Yo, Diego Calderón. Vale, cabrón. Los bandoleros. Se le pone a tu. Boluca, boluca. Que yo estoy a Pontenegue. Y el imperial. Gracias a Dios. Man. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, on est dans une nation. Écoute, je suis pas encore en direct, on va dire. Et t'es stress, tu veux quoi? Tu donnes au marre, tu te parles, tu veux quoi? Frangin, Nico, Nico est arrivé, Nico est arrivé dans la place. Mon frangin, Macaya, elle va te mettre une instru. Parce qu'ici, on doit gérer les instrus, c'est un peu une radio futuriste. Il n'y a pas beaucoup de matériel qu'on fait avec. Nico va vous va se présenter. Ok, Tupac. Tupac. Ah non. Pas comme ça. Attends, mais attends, attends. Tu sais, tu ne veux pas. Radio Metanoia, on est en direct dans 10 minutes. C'est Radio Pinot, c'est un réseau, il y a des radios en Australie, Mexique, Chili, en France, partout. Et là, on commence à être émis sur le nombre FM, DAB FM à Paris et à Mulhouse. Pinot, Metanoia, on est là comme tous les mercredis avec des nouveaux invités, et Vincent Black qui vend ses tableaux. Tu peux parler de tes tableaux, Vincent ? Bonjour. Ouais, en fait, je vends des tableaux que j'ai fait là, même pas, je les fais rapidement, j'ai fait en un quart d'heure. Nalo optimise la performance de vos investissements. Nos équipes ont sélectionné les supports d'investissement. Et puis voilà quoi, c'est des tableaux abstraits et chaque ligne a une. Yeah! Chaque ligne a une signification en fait. Et puis voilà quoi. Chaque ligne a une signification et le trait en fait c'est un trait de d'interconnexion entre les différentes lignes en fait. c'est pas terrible. Je sais pas comment tu sais. T'inquiète. Alors, le dessin. Une espèce bizarre d'un éléphant. Et en fait, dans une grotte. Qui rentre dans une grotte, en fait. Puis voilà quoi. Quel numéro de micro tu as ? C'est le 3. C'est le numéro 3. Ouais, mais là, tout ce qu'on peut avec ça. Ouais, mais s'il parle des heures qu'il est ça. Ouais, c'est bon. On a des nouveaux invités là sur Radio Metanoia. Et on a un invité là qui est prêt pour chanter. Il nous propose soit Don Omar, soit plein de choses. C'est quoi ton prénom, frère ? Gringo. Gringo. Gringo. Gringo. Gringo. Il va nous faire un freestyle avec la musique. Tu vas le. Ah, t'es cas, je suis d'origine colombien. Attends, pourquoi ça c'est toi ? Je suis d'origine. Mais pourquoi de casse ? Non, j'ai pas chanté de casse. Je suis d'origine colombien, je viens de Bogota. Car mon père, il est d'origine colombienne, il vient de Bogota. Et ma mère, elle est russe, tchétchène et yougoslave gitane. Okay, c'est, bon. C'est un mélange, c'est pour ça que je peux chanter en latino et en français. Ringo. Voilà, je me présente, je m'appelle Ringo. Maintenant, je vais vous chanter une musique. Merci. 1-1. Mets la musique, s'il te plaît. Hey. Yo. La famille, mets la musique dedans. Mais là, il y a une musique dedans là. vais pas faire le tien. Moi, je veux faire l'autre. Tu veux faire Tupac? Non, tu mets la musique. Non, de... Ouais, tu mets les musiques de Doma. Je vais chanter dessus. Mais hey, les mélodies, hein, pas quand ils chantent. Ouais. Les mélodies. Eh hey, mais on n'entend pas. Oh. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Nadine. Voilà, je vais voir un petit peu comment ça se passe ici chez vous. Ça a l'air bien Nadine. Sympa, merci à toi. Enchanté Nadine, enchanté. Je t'ai entendu chanter tout à l'heure, j'aime bien, c'est sympa, ouais. C'est tranquille. Enchanté. Ça a l'air d'être une bonne radio, merci, enchanté aussi. Voilà. Voilà. Là, on attendait Kringo nous mettre son instru, mais il est un peu long. T'as mis la mélodie ou pas J'ai fait un petit peu de basse, un petit peu de batterie. C'est des mélodies, on choisit la barre. J'ai fait une année de chorale en tant que ténor dans les églises. Voilà. Petit parcours pour se faire plaisir. Mais là, on n'a pas le temps de chercher. C'est vrai, c'est un gros, gros brouhaha, là. Oui, c'est un gros brouhaha. Mais t'es... Ouais, alors, Nadine, vas-y, raconte-nous, Ringo. Ouais, il y a des nouveaux invités, là. Ils se mettent d'accord sur la musique. Mais Nadine, est-ce que si tu fais la musique, tu pourrais amener ta basse, tout ça? On pourrait la connecter? Non, j'en fais pas. Quelques petites notions, je veux dire. Ouais, mais si on n'a pas, on n'est pas dans les, comment dire, dans l'expertise de quoi que ce soit. On s'exprime, on fait ce qu'on veut. On n'est pas à chercher des concours. On fait spontanément. Il y a pas de faux, c'est tout. Ça pourrait éventuellement se faire un de ces quatre. Dans la radio, il y a beaucoup de mythos. Donc moi personnellement, je garde un avis perso. On est tous des menteurs. Donc c'est pour ça que je dis que je fais pas de musique. J'ai des petites notions pour m'amuser. La musique pour faire du jeu. Il y a un refrain qui dit « Je suis Épiménite, les Crétois », et j'affirme que tous les Crétois sont des menteurs. Est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il dit la vérité? Allons savoir. Crétois qui vient de la Crète. Tu sais pas, je suis Martin de Bondy, j'affirme que tous les Bondinois, Bondinois sont des menteurs. Est-ce que moi je suis Bondinois ou je suis menteur ou pas? Tu vois? Y a-t-il pas une part de vérité dans le mensonge, si ça se trouve? Ouais. Alors. Bon, on essaye de se mettre d'accord. Là, y a... c'est un jour un peu bruyant. Comme le temps, il y a des nuages qui circulent autour. On devait être à Montreuil avec nos amis de Pinot. On n'a pas pu aller parce qu'on n'avait pas eu de transport. Mais on est avec vous dans la pensée, cher ami Pinot. Et on va essayer d'arriver plus tard. Et tout à l'heure, il y avait Vincent Black qui improvisait et qui nous montrait un peu sa musique. Il nous disait comment, des fois... Est-ce qu'on peut parler un peu moins fort, parce que sinon... Makaya, commence pas à m'énerver, s'il te plaît. Oui, d'accord. Et là, comment on peut d'ailleurs... Des fois, on est musicien, mais on vend des tableaux. Vincent, comment tu as réussi à vivre 10 jours avec la vente des tableaux? Vas-y. D'un seul coup, je suis venu ici et j'ai compris en fait que pendant tout ce temps, j'avais la fibre artistique en fait de la peinture. Et un ami à moi m'a dit que mes peintures valaient cher, que j'allais les vendre très cher en fait. C'est un ami à moi qui m'a dit ça. Et sinon, j'aurais jamais su. Hein. Alors après, j'ai montré les dessins, j'en ai montré à 5-6 personnes et ils ont acheté 10 euros pour pièce quoi. Jusqu'à le dernier, à 20 euros, il a pris le dernier. Je les vends à 10 euros toujours. Hein. Bon, allez, si vous voulez acheter un tableau, 10 euros. Vas-y, tu peux décrire un tableau, tu l'as fait, tu l'as... Personne ne va acheter, hein. Mais il l'a déjà dit, bon, ça. Vous avez déjà acheté. Tu peux dire, hein. Vas-y. Bon, bah, en fait, l'inconvénient quand tu vends, c'est qu'il y a plein de gens qui te disent non, et en fait, il y en a qui te disent oui, quoi. Il faut persévérer, en fait. Voilà. Voilà, et là, en fait, personne ne va les prendre. Tu voulais nous faire une intro, là, pour le temps qu'on fasse le programme de ce qui arrive de... Il est 17h. Ouais, mais moi j'ai envie de chanter, mais je vais pas attendre. Non. Moi, Oui, mais quand tu sois prêt, tu nous fais signe et puis on te passe le micro. Oui, alors, bon, tu prends ton temps, tu pars ta musique et on y va. Ah, pour l'instant, est-ce que y a Julien Carazo qui va nous montrer aussi son Spotify, sa musique. Tu peux nous montrer ta musique, Julien ? Oui, mais là, on est en direct sur FM. Bon, alors, Julien Carazo qui va nous présenter son nouveau projet qui est sur Spotify, qui a déjà plus de 3000 visites. Attends, on est avec quelqu'un d'autre, après c'est toi. Non, mais chacun attend son tour. Il y a c'est toi, après c'est Loïc, l'autre, tu vois. On fait les choses, voilà. Donc, on est chacun à les moments pour pouvoir dire c'est ce qu'il y a à dire. Chacun à sa place. La place pour ceux qui n'ont pas de place. La place déplace, remplace, transpasse. Vas-y, Julien. Écoutez, moi, c'est Julien Carado. Je fais 123 auditeurs par mois sur Spotify. Ma dernière chanson a fait 3577 streams. Donc, si vous voulez me donner de la force, du soutien, vous tapez Julien Carado sur Spotify ou sur ou partout. Et voilà. Voilà. Julien Carado sur Metanoia. Bon, il y a un blanc là. Go, tu chantes quand là ? Moi, c'est pas toi avec tes conneries. Je sais pas. J'ai déjà mis tout à l'heure. Oui, mais là, on est en direct là, Julien. Il faut que tu mettes le truc. Alors, il y a l'enchaînement de différents gens qui mettent de la musique ou pas. Donc pour l'instant que tout le monde se met d'accord parce qu'il y a beaucoup d'envie aujourd'hui, on va mettre un morceau de Boards of... Tu peux me passer un peu le toi. Voilà, on va mettre un peu de musique pour l'instant que les gens se mettent d'accord. Il faut dire que nos amis les sont à Montreuil en live, en train de faire des choses. Là, c'est... tout simplement. Allô. On a des retours là sur Radio Metanoia. Hein, on a aujourd'hui des esprits qui sont un peu différents et qui vont tout à peu se calmer, se constituer autrement. Et là, on va canter. Attends, elle va arriver. Nadine, elle va chanter. Et après, c'est vous. Hein. Chacun à son tour, chacun à son espace. Radio Metanoia, il a le temps pour tout le monde. Tu peux. Non, vas-y. Chacun à sa place. Tu vas. Tu as mis play ? Tu peux mettre play ? Ouais, très bien. Voilà. Je vais chanter cette chanson parce que quelqu'un me l'a demandé. Je prends mon courage à deux mains, je vais essayer. Je te fais un gros bisou et si c'est pas beau, tant pis, je l'aurais fait. Qu'en est-il de ces heures troublées, désabusées, où les dieux impuissants fixent la voie lactée, où les diètes nazies s'installent au Pentagone, où Marine revêt son treillis d'Antigone. On n'en finit jamais de refaire la même chanson. Avec les mêmes discours, les mêmes connotations. Le pogo initial, l'heure où les vieux capos changent ma pile corticale. C'est l'heure où les morts pleurent sous leurs dalles de granit. Lorsque leur double astral percute un satellite. Qui donc pourra faire taire les grondements de bêtes et hurlements furieux de la nuit dans nos têtes? Qui donc pourra faire taire les grondements de bêtes? Crucifixion avec la Vierge et 1700. Rangez les coups, mettez l'arbre dans mon vin. La pitié phagocyte mes prières, mes gares. Quand mes tarots s'enflamment sur la 13e lame, on meurt tous de stupeur et de bonheur tragique. Au cœur de nos centrales de rêves analgésiques, on joue les trapézistes de l'antimatière, cherchant des étoiles noires au fond de nos déserts. Qui donc pourra faire taire les grondements de bêtes, les hurlements furieux de la nuit dans nos têtes? Qui donc pourra faire taire les grondements de bêtes? Je dérègle mes sens et j'affûte ma schizo. Vous êtes un autre jeu et j'aime jouer mélo. Anéantissement, tranquille et silencieux. Dans un décor d'absinthe au tableau véroleux. Memento remember, je tremble et me souviens des moments familiers, des labos clandestins, où le vieil alchimiste me répétait tout bas: si tu veux pas noircir, tu ne blanchiras pas. Qui donc pourra faire taire les grondements de bêtes, les hurlements furieux de la nuit dans nos têtes? Qui donc pourra faire taire les grondements de bêtes? Je calcule mes efforts et mesure la distance qu'il me reste à blêmir avant ma transhumance. Je fais des inventaires dans mon pandémonium. Cerveau sous cellophane, cœur dans l'aluminium. J'écoute la nuit danser derrière les persiennes. Les grillons résonnaient dans ma mémoire indienne. Et j'attends le zippo du diable pour cramer la toile d'araignée où mon âme est piégée. Qui donc pourra faire taire les grondements de bêtes, les hurlements furieux de la nuit dans nos têtes? Qui donc pourra faire taire les grondements de bêtes? Qui donc? Je remercie les gens qui ont écouté. Je suis désolée, c'était un petit peu long. J'ai voulu faire 10 minutes, j'ai voulu faire énormément plaisir à quelqu'un qui me l'a demandé. Je l'ai chanté de tout mon cœur pour lui. Je chante depuis quelques années. Enfin, je chante tout le temps. Mais je chante pas pour de vrai, en fait. Je chante que pour les gens qui me demandent de chanter pour eux, en fait. Bon, juste travailler ta voix. Tu sais, moi, si je savais pas chanter avant, on va enchaîner. J'ai pris 25 ans pour chanter. Ouais. Mais ça, faire une belle voix. C'était pas pour faire un exploit, c'était pour faire plaisir. Tu te présentes, Julien? Tu peux présenter ce qui arrive, Julien? Vas-y. Alors, on est avec Ringo. Oh, on n'écoute rien, frérot. mes patients. Tu m'as fait chanter, Dominique. Oh là. Hey, y a pas... Dominique, je suis en colère, tu arrives en retard, tu m'as loupé chanter. Mâche pas le micro. Il ne marche pas le micro là. Mais c'est quoi ça? Attends, il va te présenter. Là, Pardon. Allez, Julien, tu présentes. Zéro. Bonsoir. Parce qu'on nous en a pas des retours. On n'a pas de retours. Si, on a du retour, c'est bien. Bah, je vous présente Rino qui va nous interpréter une chanson sur la spécialité de d'origine colombienne, tu vois. Ouais, à loin. Ouais, mais tu viens d'où, d'Espagne? Barcelone, Madrid? Très bien. Voilà. Alors, ça dépend si il y a des J'ai senti dès que je t'ai vu, toi, Mario. Une partie qui est de Barcelone, une partie Bon, je vous présente ce Nisso. Oui. Ouais, je parle. Je parle en canard, je parle en quoi? Quoi, quoi? Mon colonel! Il n'y a pas de musique dans la forêt, mon colonel. Ouais. Wally, Wally, Wally, Wally! Grosso minuto, si yo soy la souris de la ville de México! Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est Monsieur Twill Florent. Bah, grande dédicace à Radio de Copernic. Et voilà, je vous en prie. Merci. Hein. Je repasse le micro à Dominique. Ouais. Je t'aime, tu vois, mais tu ne le sais pas. Je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. J'ai un jardin rempli de fleurs. C'est pas à moi, c'est à ma sœur. Tout bien considéré, mais vous êtes perdu, vous pensez sûrement à votre Mister Love. Qui c'est qui a vu Jerry, Mister Love? Tu te rappelles? Tout bien considéré, mais vous êtes perdu. Vous pensez sûrement à votre Mister Love. Hein? Ouais. Mais si, tu vas chanter après. Ça va, Martin? Allez, mon colonel, ça va? J'ai pas vu Adrienne dans la forêt encore. Mickey, il est mort, Mickey. Il est mort, Mickey. Ouais. Falco, il n'y a que ce micro qui marche. Oh, ah bah ça marche plus. Bam bam bam bam bam boom boom boom bam bam. No puedo una ti. Triple Carmélite, un goût proche de la perfection. Parce que j'ai pas besoin de vous, hein, ça je vous le dis. Hein. Oh. Oh. Oh. Oh. Manten mira al que me pones de loco. Ven conmigo toda la noche me parece. Tanto loco me parece loco por ti yo. Ven conmigo. Es monotono. Oh. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activao. Franchement, vous vous connaissez pas, je vous le dis, la vérité. Arrêtez de me toucher plus, s'il vous plaît. Ouais, mais quand on fait n'importe quoi, je peux pas chanter. J'ai pas besoin de... Je vous le dis, si je suis venu, c'est pour lui. Je suis venu là au début parce qu'il n'arrête pas de parler, après je m'embrouille. Faut me comprendre. Bam bam bam bam bam bam. Boom chakalaka boom boom. Vante miral, vante miral, vante miral. Que me pones el loco, vante miral. Ven conmigo toda la noche. Que me soy tanto loco por ti yo. Báilame, báilame, báilame y excítame. Toda la noche que me queriendo contigo. Me soy tanto loco por ti, me soy tanto loco por ti. Ven conmigo toda la noche, ti. Me pones el loco por ti. Que me queriendo contigo, contigo. Me gusta que soy tú votando. Que tienes tu toro todo. Y excítame toda la noche. Excítame toda la noche. Yo queriendo cinco la mañana. Dame amor. Pa' tu cara me gusta. Pa' tu cara me gusta. Que tú soy linda. Que tú soy morena. Y excítame toda la noche. Y excítame toda la noche. Báilame, báilame. Toda la noche, noche. Fate mirar, fate mirar. Ven conmigo toda la noche. Dame amor contigo. Yo queriendo contigo. Il est temps de se lancer. Mais si, s'il te plaît, j'entends rien avec son truc, c'est de la merde. Hein, moi, je peux dire. Ils t'ont entendu à la radio. C'est bien passé à la radio, c'est juste. T'es trop fort, parce que là, c'est un niveau zéro. Ok. Vas-y, Florent. Bonjour à tous, c'est Florent. Je suis en direct sur Radio Copernic avec le monsieur qui gère. Voilà, je voudrais passer une grosse dédicace au monsieur qui gère. Merci de m'avoir accueilli. Et voilà, on est entre poteaux. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Voilà, il y avait un petit son qu'un gars il a chanté qui est là. Voilà, vous venez d'entendre. Et voilà, grosse dédicace à mon pote Benjamin qui est dehors. Qui est en train de fumer une clope, je viens de le faire fumer sur une clope, voilà. C'est un peu la galère, mais voilà, on est là tranquille. Heureusement qu'il y a des moniteurs comme le monsieur de la radio, que le gérant de la radio, Copernic. Grosse dédicace à lui, ça fait plaisir. Et grosse dédicace à Nadine aussi. Grosse dédicace à Nadine aussi. Nadine, tu m'entends ? Ah, elle m'a vu. Vas-y. Allô? Oui, bon, Nadine, elle m'a entendu, c'est pas grave, elle voulait me répondre, mais elle m'a entendu. Merci beaucoup, hein. Merci de votre accueil. Merci, monsieur. Voilà, grosse dédicace au gérant de la radio. Il fait du bon taf, il vient nous voir tous les mercredis. Et voilà, c'est les mercredis, c'est bien ça? Tous les mercredis à 15h. Ah, ça a commencé à 15h? On est un peu en retard. Ah ok, je voulais vous voir, franchement, ça me fait plaisir, la dernière fois j'ai pas trop eu le temps de m'adresser à vous, mais voilà, je voulais vous donner de la force, parce que vous faites du bon travail, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, grosse dédicace au monsieur de la radio. Oui, on a, voilà, il y a un micro qui fonctionne, les autres sont en train de l'installer, ça a tout déchiré la dernière chanson, mais Dominique, tu vas nous faire un peu les bruits d'ambiance. Y a bruit d'ambiance. Miaou. Miaou. Miaou. Miaou. Ouf. Ouf. Allô. Allô. Oh mon petit gars, j'ai pas vu le loup, moi. Il y a longtemps que j'ai pas vu la louve. Mon petit gars. Ah. Je sais pas quoi faire. Oui. J'en profite de... Ah bah non, toujours pas. J'en profite deux secondes pour te dire merci, Florent, pour ton petit coucou tout à l'heure. Voilà, gros bisous à Florent, je te remercie, je t'entendais, mais je pouvais pas te répondre. À plus tard. Bon, voilà, on a un micro qui fonctionne, je sais pas pourquoi, mais on va y aller. Tu vas, vas-y. C'est bon, j'ai l'instru sur le téléphone. Mets-moi un peu plus de mou dans le truc. Nalo a créé le contrat d'assurance vie. Le volume à fond projet. Dans le casque. Alors qu'avant, vous aviez besoin d'autant de contrats d'assurance vie que de portefeuille. On est en radio locale. Un couple qui prend l'eau, l'amour en signe de magie. Alors écoute la story. Trop de fois on s'est mis KO. Tu as souvent cru que j'avais pas le niveau. Et moi que tu n'avais plus envie. Quand la vie te met face à la réalité, et quand le respect nous brise en morceaux, ça fait belle, belle, belle, belle, belle, belle, que tu étais belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, que tu étais belle, bête, bête, bête. Qu'est-ce que j'ai pu l'être? Quand l'amour est sincère, il devient éternel. On aurait dû graver nos initiales sur l'écorce. Hey, c'est que de la musique, c'est que de la musique. On passe à une radio locale. Y a pas beaucoup de retours, y a pas beaucoup d'événements. Mais voilà, c'est Makaya Bomba. Si déjà vous connaissez déjà, on va partir en rap, ça sera plus simple. On va partir en freestyle. En freestyle sur du rap ou sur du reggae. Sur du reggae, les auditeurs, s'il y en a, c'est comme vous voulez. S'il y en a pas, eh ben, il faut en faire. Donc on va faire quoi? On va faire une instru reggae pour rassembler les cœurs. Une petite instru reggae. S'il y en a qui veulent s'y inviter, il n'y a pas de souci. Mais le reggae, il faut suivre le beat. On a Chazoui. Une instru, on va voir ce que ça donne. Il paraît que c'est ça, c'est un début de... C'est comme un jour de famine, une soirée sans toi, ma darling, une souffrance de longue haleine. Yeah, Makaya, dédicace à ses ancêtres, les méchants guerriers celtes. Le monde est en guerre. Le monde est en guerre. Poutine nous menace avec le bouton, mais il nous prend pour des cons. La guerre c'est pas ça, c'est quand tu te fais tirer dessus. Appuyer sur un bouton, c'est être un vrai con. Et moi, je suis persuadé que c'est que des menaces en l'air qu'il a plus peur de moi que de Lucifer. Pizza dans ton cœur, Jarastafari, King Zelazia. Il est vrai que parfois je suis devenu ragamuffin. J'ai pris la CC et du jacté. Je reviens de là sous prière. Je reviens de là où il y a plusieurs frères. J'ai connu l'enfer. J'ai connu la galère. Et si tu regardes l'écureuil sur son âme, tu peux parfois trouver dans les yeux un être heureux qui te tendra la main. Et toi sûr, tu le retrouveras probablement pas ton chemin. Car on est sur une route où la terre tourne en rond. Et il y a mille routes, mille chemins dans une vie. À toi de choisir ton destin, car retiens bien, ton destin est entre tes mains. Retiens bien, ton destin est entre tes mains. À quoi bon de faire le malin? La meilleure philo, c'est la contre-attaque. Hey! J'ai connu des hypnotiseurs, des magnétiseurs, des gens fous et des dealers. Moi-même, j'ai dealé quelques quêtes là, de l'autre côté, là où il y a des résidences pavillonnaires. J'allais le chercher en cité, je le revendais bien sûr la meilleure qualité. Well, même te dit problème à Babylon System. Pour que les gens soient toujours dans les problèmes, une machine, tout un système. Bombo Klatanaya, Bombo Klatanaya. J'aime la musique, le Naya Bingy. Le Naya Bingy pour cultiver ta conscience. C'est un vieux tam-tam africain. Un vieux tam-tam africain. Je me ressens parfois comme un esprit. Les autres me voient comme un sorcier. Et l'autre comme un être normal. Je ne sais pas parfois schizophrène ou bipolaire. Ils ont jamais réussi à statuer ma maladie. Car je vais plusieurs fois voir l'enfer. J'en ai marre de ces tous. J'en ai marre de ces fous. J'en ai marre, alors quand j'en ai marre, je mange un mal à la barre. J'attends ta tâche qui dira que j'ai la science des samouraïs. Je te fais peur, je sais, je suis condamné. J'attends le premier coup pour bien te niquer. Et n'oublie pas que si y'a des témoins, tu me donneras un putain de cachet. Hey, car la meilleure philosophie, c'est la contre-attaque. Contre-attaque, contre-attaque. Je ne vole plus depuis longtemps déjà. Depuis que j'ai su que ça ne servait à rien. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, merci beaucoup. Bon, pour que tu nous révises ton nom, pour que tous les gens à Metanoia écoutent ton nom. Votre parquet. Ouais, ouais, Makaya Bezeda, c'est pas fini, puisque c'est que de la musique, et ce soir, je prends le mic, alors on passe l'instru. Non, mais là, c'est, là, là il y a quelqu'un d'autre qui va parler, qui va se présenter. Voilà, présentez-vous. Merci beaucoup, merci, merci. Parce qu'on est une radio à la con. Donc. C'était du reggae. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Benjamin. Je suis venu à la radio ici pour la première fois. En même temps j'y suis habitué parce que c'est mon métier DJ. Je m'appelle Pepe Del Noche, c'est mon AK. Mais ce soir j'ai pas de banque de sons à moi ou de musique cosmique électro à vous passer. Par contre j'aimerais bien vous laisser avec un chanteur qui m'a beaucoup inspiré dans la musique et qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie, qui s'appelle Alain Bachung. Et le titre c'est Comme un Lego. C'est à la fois du désespoir et je pense à un grand espoir aussi pour l'avenir. Voilà, on va l'écouter, je pense. Merci à vous. Je le dédicace à la terre entière pour de l'altruisme. Yes, sir. Que tout le monde s'aime, s'il vous plaît. Un big up, un big up à tous ceux qui pensent au monde et à la terre. Rah! Yes. Petit problème de réseau. Ça ne les capte pas bien. On va voir si ça arrive. Ça va arriver, là. On est des moyens de bord. Et... Attends. parler ? Vas-y. Non, mais tout à l'heure, tu parles. Oui, ça, ça, vas-y, vas-y. On va y arriver. On va y arriver à le mettre comme un Lego. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va et y arriver. Et vous pouvez jouer au Lego pendant ce temps-là, si vous en avez, c'est sympathique. Attends, ça. On ça va y arriver, on va arriver, on va arriver, on va arriver, mais ça pas, pourquoi ? Recharger. Parce quoi, parce qu'on n'a pas de... Attends. On va essayer de que ça arrive, ça va arriver. On va essayer que ça arrive. On va essayer qu'il arrive, mais le problème, c'est qu'on n'a pas tous les réseaux. Voilà, ça fonctionne là, c'est bon. Bonsoir. Je vous souhaite la force et la tendresse. C'est un grand terrain de nulle part. Avec de belles poignées d'argent. La lunette d'un microscope. Et tous ces petits êtres qui courent. Car chacun va qu'à son destin. Petits ou grands, comme durant les siècles égyptiens, péniblement. A porté mille fois son poids sur lui, sous la chaleur et dans le vent, dans le soleil ou dans la nuit, voyez-vous ces êtres vivants. Voyez-vous ces êtres vivants? Voyez-vous ces êtres vivants? Quelqu'un a inventé ce jeu terrible, cruel, captivant. Les maisons, les lacs, les continents. Comme un Lego avec du vent. La faiblesse des tout-puissants. Comme un Lego avec du sang. La force décuplée des perdants. Comme un Lego avec des dents. Comme un Lego avec des mains. Comme un Lego. Voyez-vous tous ces humains danser ensemble à se donner la main. s'embrasser dans le noir à cheveux blonds. À ne pas voir demain comme ils seront. Car si la terre est ronde et qu'ils s'agrippent au-delà, c'est le vide. Assis devant le restant d'une portion de frites, noir sidéral et quelques plats d'amis. Les capitales sont toutes les mêmes devenues. Aux facettes d'un même miroir. Vêtu d'acier, vêtu de noir, comme un égo mais sans mémoire. Comme un égo mais sans mémoire. Comme un égo mais sans mémoire. Aux facettes d'un même miroir, vêtu d'acier, vêtu de noir. Oh ouais. J'aurais voulu savoir pourquoi ça change pas. Pourquoi ça change pas. On veut tous que ça change, mais ça change pas. Dorénavant, j'avance tout droit. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est bon, t'as pas de Minastru, Minastru. Ouais, ouais, ouais. Yes, I. Grouba. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Yes, I, ensemble, ensemble. Pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur. 9-3, 9-3, 9-3. Ouais, ouais, ouais, ouais. Pour un monde meilleur. C'est bébé au oh my fils qui essaie de vendre ses peintures. J'en ai vendu une à 5 E. Personne me croit derrière la toiture. C'est bébé au oh my attends, fils qui parappe. Écoute, laisse-moi rapper, laisse-moi parler, laisse-moi dire ce que je pense ou haut. Tout haut depuis le Vaudra. J'ai connu la vision ici même. Au centre, chaotique. Ok, taxi, je reprends le fil. On est sur un air de reggae. Yeah, yeah, yeah. Donc, quand t'es sur un air de reggae, il faut chanter avec le cœur, Malsen. Rah. On pense pour le monde. Si tu voulais rapper, il fallait me le dire, j'aurais mis une instru rap. Non, c'est bien ça. Donc on fait un pull-up, mais tu chantes en cœur. Allez, c'est parti, on est sur du reggae, on est sur du reggae. Le reggae, c'est pour tous les cœurs, c'est pour le monde entier. C'est pour améliorer le monde. On améliore le monde. Ok, ok, on est ok. On pas dans le 9-3, on est dans le monde, il n'y a plus de frontières. Okay, ok. On se bat pour les réfugiés, pour les frères. Ok, yes, frère. Big up. Big up. Inadinaya. Inadinaya. Bourba. Bourba. Ok, je commence. Je te donne le flow. Ça fait. Le monde part en couille. Mais qui donc leur a donné les douilles? Ils veulent nous fusiller. Mais nous avons les armes, nous avons quelques refrains. Une armée de Jah Rastafaraya. On fout le gawa, on fout le guerrier, c'est la guerre. Je sais que l'animal reprendra ses droits sur la terre. Et tu dis quoi, mon frère? Je dis que c'est bien, combien sont morts pour rien. Écoute-moi bien depuis mon refrain. C'est le refrain qui passe au mic, passe tout. Ok, on est dans le refrain, alors on fait. On rêve. On rêve d'un monde meilleur. On rêve d'un monde meilleur. Où on serait tous élus de notre propre cœur. Ouais, ouais, ouais. Ok, ça fait. Je cherche l'âme sœur. Je cherche l'élu de mon cœur. Elle est parfois sensorielle, la femme sur pur naturel. Ok, c'est parti. Les gars détestent ce gouvernement et ces méfaits cessent d'orchestrer notre déclin. Jusqu'au pays lointain, le mal ne cesse de triompher. Les idées reçues blessent les héros de ma ville. Okay, les idées reçues blessent les héros de ma vie. Normalement, mon frère, dans le reggae, hein, on est obligé de te stopper. Quand tu perds la rythmique, on te stoppe. Si tu gardes la rythmique, on te garde. Ok, ça fait. Bourba, c'est Makaya. Bouillon abonné. Yeah, yeah. Attends, c'est qui? C'est qui ton blaze? C'est quoi ton blaze? Donne ton blaze en reggae. Z Black. Z Black. Hey, on est dans un monde de blackjack. Moi, j'ai le 21 en chiffre bonheur. Ma fille est du 21 balance. Moi je suis un big thing de lion du 21 August. Vous entendez ces notifications? Elles indiquent que des documents sont signés rapidement. 80% plus rapidement avec HelloSign. Envoyez. Signez